Je vais commencer avec une question qui, Daniel, était censé répondre la semaine dernière. La question, quel est ce pas que tu dois faire avant nous et qu'on ne peut faire sans toi? Alors, qu'est-ce que j'avais dit que je répondrais la semaine prochaine? OK. Ah, ben là. Voyez-vous, la majorité des peuples qui, à un moment donné, ont su s'élever à un niveau différent du niveau de départ, c'est des peuples qui ont été capables de comprendre que, de temps en temps, certains êtres humains étaient avantagés sur certains niveaux et ils ont permis à ces personnages-là ou à ces personnes-là d'atteindre un niveau social permettant à ces personnages-là d'ouvrir des portes. En ce qui me concerne, moi, étant donné la façon dont je parle, étant donné la facilité avec laquelle j'ai à me brancher sur une énergie qui est suffisamment instantanée, qu'on peut appeler intelligence active, qu'on peut appeler esprit, qu'on peut appeler énergie supramentale, étant donné que je peux me brancher très, très facilement, donc à volonté, sur des réservoirs de mémoire qui font référence beaucoup plus à la galaxie qu'au contexte planétaire, ça me permet d'avoir accès à un savoir qui dépasse de beaucoup les connaissances humaines actuelles. Maintenant, c'est évident que je pourrais me brancher sur un savoir qui me permettrait de comprendre de quelle façon on devrait faire un moteur qui va fonctionner uniquement avec une différence de potentiel au niveau de la pression d'air. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse en tant que personnage. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de découvrir et de décoder simplement les mécaniques qui obligent l'être humain aux effusions, qui obligent l'être humain à rester ou à avancer à évoluer ou à se conscientiser très lentement. Ce qui m'intéresse, c'est donc de décoder beaucoup plus toutes les mécaniques involutives qui forcent l'être humain à rester confiné à un niveau où il n'est pas plaisant de le voir être, mais à un niveau aussi où il maintient le contexte écologique planétaire à un niveau trop bas pour permettre la descente d'intelligence à l'échelle de cette planète. Maintenant, il arrive ceci, il arrive qu'il y a des personnes qui, à travers la vision de leur ego, à travers la vision des mécaniques qui ont structuré leur ego, ont un besoin fou et absolu de suivre quelqu'un. Les personnes qui suivent aveuglément sont des personnes qui, à un moment donné, seront laissées pour compte. Il y a d'autres égos qui sont constitués de façon différente, et ces égos-là sont des égos qui vont permettre à l'être humain, à l'intelligence qui va habiter le corps physique, parvenir plus rapidement à une conscientisation. Plus l'ego est gros, normalement, plus rapide est la conscientisation, mais plus souffrante et plus pénible peut être la terrestrification de la conscientisation, c'est-à-dire que l'humain qui a un ego assez gros est un humain qui va normalement devenir individualiste rapidement, une personne qui est plus asociale, plus sauvage, souvent. Et le fait qu'elle a un gros ego va faire en sorte qu'elle va structurer un corps mental plus puissant, plus rapidement. Lorsqu'elle aura un corps mental puissant avec son gros ego, elle entrera en contact avec des mémoires d'énergie supramentale, des mémoires qui auront été constituées par ceux qui sont des antennes publiques, donc ceux qui ont la parole, et la personne devra, à un moment donné, s'anégoïser. S'anégoïser veut dire que la personne, à un moment donné, devra s'arranger pour diminuer le volume et la puissance de son ego. Donc, le gros ego est essentiel pour la création du corps mental, par contre, il devient un problème à un moment donné. Ces personnes-là vont décider, ceux qui ont des gros égos, qu'ils doivent continuer et poursuivre leur chemin seuls. Et c'est un gros problème au niveau des conscientisés. Très souvent, les personnes ne sont plus capables de s'associer parce qu'ils ont l'impression que lorsqu'ils sont associés, ils deviennent collectifs. On peut être 1 million à penser que c'est intelligent de dépolluer et être 1 million à le penser en collectivité. Et on peut être aussi chez soi seul à penser que c'est intelligent de dépolluer. Il peut en avoir 1 million comme ça. Il y a une différence entre l'individualité au niveau de la conscience et l'individualité au niveau de la gestion du plan de vie. Alors, l'individualité de conscience, c'est que l'être humain reste ce qu'il est, avec tout le monde ou contre tout le monde. Le collectivisme de conscience, l'humain n'est jamais ce qu'il est. Si on change de mode, il change de mode. Si on change de goût, il change de goût. L'individualiste de conscience, il trouve intelligent, par exemple, de dépolluer. Si tout le monde commence à polluer, Il trouve toujours intelligent de dépolluer. Maintenant, il arrive ceci. Il y a des êtres humains qui ont, de par leur génétique et de par leur système réincarnationnel, la capacité de recevoir plus facilement et avec beaucoup moins de souffrance, de stress et de poids psychologique de l'information. Parmi ces êtres humains, il y a des voyants, des voyantes, qui sont capables de prévoir ou de voir des choses dans l'avenir sans en subir de contre-coups psychologiques. Ces personnes-là ne souffriront pas nécessairement de ce qu'ils vont voir. Alors qu'il y a beaucoup d'autres personnes, s'ils auraient la même vision, la voyance, une vision claire de certaines choses, de futurs possibles, ne seraient pas capables émotivement de supporter le poids de leur vision. Donc, nécessairement, certaines personnes, dans les phases d'évolution, qui font partie de la conscientisation, et quand je parle de la conscientisation, je veux dire par là « à conscientisation », c'est-à-dire du manque de conscientisation, ces personnes-là qui sont capables d'être voyants, clairvoyants ou clairaudients, peuvent servir l'humain, même l'humanité, à les diriger à travers des trames qui font partie de l'obscur, de l'occulte, et les individus qui vont suivre ces personnages-là, normalement, vont parvenir à augmenter leur taux vibratoire, donc à passer sur un autre palier d'évolution pour progressivement arriver à toucher la conscientisation. Dans la mécanique de conscientisation, les voyants ne peuvent pas pénétrer, les clairaudients non plus. Toutes les formes de manci ou de mancien ne peuvent pas toucher aux mécaniques de la conscientisation. Or, que ce soit des cartomanciens, que ce soit des chiromanciens, que ce soit des caractéromanciens, on ne peut pas. Jusqu'à date, les prophètes, les voyants, les manciens, les manciennes, ont eu accès à de l'information cristallisée dans le monde astral, cristallisée dans le monde de la mort, dans le ciel. Alors, nécessairement, les mémoires, les informations placées dans le ciel pouvaient servir certains personnages. Ceux qui avaient la parole étaient appelés prophètes. Ceux qui n'avaient pas la parole, mais qui avaient d'autres mécaniques pour aller lire ces informations-là, pouvaient devenir des astrologues, pouvaient devenir des mages ou d'autres phénomènes. Au niveau de la conscientisation, tous ceux qui sont spécialisés dans les visions à travers le monde astral ne peuvent pas toucher le monde supramental, le monde de l'esprit, le monde de l'intelligence active, alors qu'eux touchaient le monde de l'intelligence passive, la mémoire, le monde de la mort. Certains personnages aujourd'hui sont capables d'avoir des contacts réels, directs, non souffrants, plaisants, amusants, avec une information qui est extraterrestre. Et quand je parle d'extraterrestre, je veux dire qu'il n'est pas rayonné par le cœur de la Terre. Je ne parle pas d'extraterrestre dans le genre des extraterrestres à moustache. Je ne parle pas d'extraterrestre dans le genre de personnages qui viennent à un moment donné nous visiter dans le but de nous expliquer ce qu'on a à faire. Intelligence supramentale, tout le monde y a accès. La majorité des corps physiques ou des consciences ne sont pas suffisamment déployés pour avoir la capacité de laisser couler d'une façon transparente l'énergie supramentale. Donc, pour la majorité des personnes, l'énergie supramentale est toujours colorée par leur mémoire, par l'expérience, donc par l'ego. Cela veut dire que chaque fois que quelque chose de neuf apparaît dans la conscience des humains, il est vieilli, il est déformé, il est coloré, pour s'ajuster et s'adapter aux traditions psychologiques et émotives de chacun d'entre les humains. Certains personnages, donc, ont la capacité de se déconnecter totalement de leur mécanique émotive, donc de se déconnecter de leur mécanique astrale. Cela leur permet de ne plus être manipulables. N'étant plus manipulables, ils ne sont plus assujettissables. N'étant pas assujettissables, ils ne sont pas colorés. N'étant pas colorés, l'information qu'ils vont communiquer est une information de qualité beaucoup plus pure. Tout le monde y aura accès à un moment donné. Certains prendront 10 ans, certains prendront 2 ans, certains prendront 2000 ans. Le pas que moi j'ai fait et que j'avais à faire la semaine dernière, c'est simplement un déploiement plus massif de certains canaux. On prend les mots canaux pour qu'on puisse se comprendre. Ce ne sont pas des canaux en réalité, c'est des expansions au niveau de la conscience. C'est aussi par faire l'instruction de mécanique ancestrale chez moi, parler à mes ancêtres, leur expliquer qui j'étais maintenant, leur expliquer qu'ils devaient cesser de me manipuler, de me parler et de me conseiller. Il fallait que je prenne le temps de leur expliquer que c'est moi maintenant qui devais leur dire quel était le chemin à suivre, et qu'eux n'avaient plus à me conseiller, que ce n'était plus nécessaire. Et que moi, je me dirigeais nécessairement vers un monde neuf. Et que dans un monde neuf, l'expérience du passé était inutilisable. Alors, ils sont en train d'étudier. Ils vont passer au vote. S'ils votent pour, ils vont rester et suivre. S'ils votent contre, je devrais les rejeter. Ce sera une autre partie de ce qu'on appelle souvent l'initiation solaire. Étant donné que j'ai pu établir un contact plus évident à travers le plan supramental, au travers du plan bouddhique qu'on appelle souvent le plan de la gratuité, le plan de l'amour, j'ai maintenant la capacité de laisser couler l'énergie qui va permettre de réveiller énormément d'êtres humains qui sont associés au même faisceau évolutif que le mien, au même faisceau fusionnel que le mien. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que tous les corps physiques sur le plan planétaire ne sont pas aptes à faire ce genre de choses. Je ne suis pas chanceux. Je ne suis pas meilleur. Il y en a qui chantent drôlement mieux que moi. Je peux parler drôlement mieux qu'eux, c'est tout. Et dépendamment de ce que l'on vit, si vous voulez être chanteur, vous pouvez être jaloux du chanteur et refuser d'apprendre de lui. Si par contre, vous voulez vous conscientiser, il ne faut pas être jaloux de celui qui se conscientise. Étant donné le chemin qui est fait maintenant, il y a énormément de personnes qui vont avoir la faculté de faire plus facilement le chemin. Pourquoi? Parce que parmi les humains de la planète, parmi ceux qui se conscientisent, donc surtout ceux de l'hémisphère nord de cette planète, la majorité des personnes se fient encore trop à leurs égos. Se fiant trop à leurs égos, vous auriez tous la possibilité d'ouvrir les portes, comme je l'ai fait. La problématique, c'est que la majorité d'entre vous, vous ne vous faites tellement pas confiance que vous ne seriez pas capable de supporter émotivement le poids d'une conscience ouverte chez vous. Alors, nécessairement, il vous faut des preuves. Et je ne parle pas de vous mentalement. Plusieurs dans votre tête, c'est clair. Pas nécessaire les preuves. Mais au niveau de l'ego, comme tout à l'heure, on parlait du jeune qui aimerait être à la hauteur de ce qu'il est. C'est pas grave, son père, il l'aime. Mais au niveau de son ego, il fait tout pour être un con parce que son ego ne veut pas dépasser son père. Au niveau de la tête de plusieurs parmi vous, c'est clair. Sauf qu'au niveau des égos, les égos vont encore puiser dans les ressources astrales, dans les messages et les écrits du passé, que ce soit dans l'Akasha, dans les annales akashiques, dans la mémoire du temps, ou que ce soit dans la mémoire du temps terrestrifiée, dans les livres, ces choses-là. Alors, à un moment donné, si quelqu'un ouvre une porte, le fait dans une expérience dans la fin du 20e siècle, ça permet à plusieurs égos qui habitent les humains d'avoir une référence astrale que ça s'est fait. Si quelqu'un le fait, si je le fais, ça aurait pu être un autre, si je le fais, mais maintenant, il y a une trace. Ça doit faire en sorte que la majorité des personnes qui sont prêtes, mais il leur manquait quelque chose, à un moment donné, à travers leur cheminement astral, qui est un cheminement souvent inconscient, ils vont finir par accrocher, par trouver la trace. La trace va confirmer dans leurs égos la possibilité qu'un humain peut le faire. Et il y a des personnes qui, à un moment donné, subitement, vont commencer à s'autoriser à le faire. C'est le pas que je devais faire, le pas qui est fait. Et ce n'est pas parce que je l'ai fait la semaine dernière que nécessairement tout le monde va pouvoir le faire en deux jours. Oh, il y en a qui peuvent. Tout le monde peut. Mais vous ne le ferez pas. À cause des égos. À cause du fait que l'être humain n'est pas capable de vivre ici maintenant, parce que l'être humain est achalé par un ego, même achalandé par un ego. Alors, c'est la chose qui devait être faite et c'est la chose qui maintenant est faite. Ça va permettre à plusieurs personnes de cheminer beaucoup plus joyeusement, beaucoup plus facilement, tout en déployant des antennes qui vont leur permettre de recevoir de l'information supplémentaire, donc une information qui ne vient pas remplir un dictionnaire ou remplir une encyclopédie. Contact supplémentaire, je le répète, nous amène le savoir qu'on a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'on le sache. De ce fait, ça demande de l'être humain une confiance. Non. Mais ça demande de l'être humain la dissolution totale du doute en face de lui-même. Parce que sans ça, la personne elle va à un moment donné se dire, bon, je m'en vais à telle place, mais je ne sais pas où ce que c'est. Alors, elle va vouloir s'informer. Donc, elle veut remplir de la mémoire d'informations. Alors que si elle a confiance, elle n'a pas de doute dans ce qu'elle est, elle va se diriger vers l'endroit, puis rendu là, elle saura où aller. Et c'est des choses qui se font. Imaginez, depuis des années, je parle de tous les sujets. J'ai 300 ou 50, je ne sais plus combien de titres de conférences régulières sur tous des sujets différents ou presque. J'ai donné beaucoup de conférences réservées aux séminaristes. Tout à l'heure, une personne me disait, sais-tu, on devrait envoyer ta cassette de ce soir au festival juste pour rire. Encore que je me suis retenu pour trop vous faire rire. Il vient un temps où on est capable, dans l'instantanéité, de sortir autant de choses drôles que de choses sérieuses. Ça marque un changement quelque part. On peut faire des farces de temps en temps, mais on peut en faire un spectacle tout court. Le problème, c'est qu'au festival Juste pour rire, ils ne pourront pas comprendre. Ils vont me dire, Daniel, peux-tu refaire le spectacle 40 fois en fin de tournée? On dit, écoute, dis aux clients qui reviennent à chaque fois, ils vont rire autant, mais ce ne sera pas la même affaire. C'est ce qui va arriver à l'humain. La capacité spontanée de se plaire et la capacité spontanée de comprendre. Jusqu'à date, plusieurs avaient la capacité de comprendre ou de se plaire. On doit s'allianger les deux. Quel est ce pas que tu as fait? D'avoir 5 pieds. Mais est-ce que tu veux expliquer c'est quoi ou non? Ça ne me dérange pas, il faut se poser des questions. On va répondre aux questions des gens. J'ai une autre question. Ouais, c'est une jambe, hein? C'est le droit. Si les gens qui ne sont pas rattachés à ton faisceau ou quelque chose de semblable, qui ressemble à ça... Ouais, ça leur permet d'aller se connecter à leur faisceau quand ils vont pouvoir, dans leur mémoire astrale, se rendre compte. Qu'est-ce que ça donne, finalement? Ça donne simplement qu'une personne, à un moment donné, va se lever un matin après un voyage astral, un rêve, elle va dire « Merde, je suis capable! » Qu'est-ce qui va lui avoir fait dire ça? C'est qu'elle va avoir vu un film quelque part, là, où elle voit que ça s'est fait. C'est pas un scénario de film inventé. Elle va avoir la preuve, inconsciente, qu'il serait temps qu'elle se niaise. Mais quel que soit le faisceau. Est-ce qu'il va nécessairement avoir une personne à la tête de chacun des faisceaux? Il y a toujours eu, mais dans les temps qui viennent, il y a plusieurs faisceaux qui vont être représentés par un individu. Et il va y avoir plusieurs individus représentant les faisceaux majeurs. Est-ce qu'il y a un faisceau partant? Est-ce qu'il y a un temps avec un faisceau? Il y a toujours eu un faisceau partant, c'est-à-dire qu'il y a eu un faisceau comme par exemple le faisceau michaélien à l'époque du Nazaréen, qui a ouvert l'ère du poisson. Là, on est rendu dans l'ère du Verseau. Si on recule un peu au niveau de la cinquième race mère, on a eu effectivement des faisceaux différents au niveau de Rama, au niveau de Zarathustra, au niveau d'Odin, au niveau de plusieurs autres personnages du genre. Si on recule au niveau de l'ère atlantéenne, on a eu aussi différents faisceaux qui sont venus se pointer là. Mais présentement, on approche d'un temps qui est très, très particulier parce que, à travers l'évolution de l'actuelle planète, donc on peut retourner à quelques milliards d'années en arrière, aller jusqu'à aujourd'hui, les faisceaux se créaient, les faisceaux s'effusaient, donc les faisceaux arrivaient d'époque en époque. Alors, de la Terre blanche, de l'Hyperborée, passant par la Lémurie, l'Atlantide, jusqu'à la race indo-européenne, dont on est, nous, des descendants teuto-anglo-saxons, les faisceaux se sont pluralisés, les faisceaux ont été capables de s'ajuster aux contingences du endocrinal des humains. Présentement, ce qui arrive, c'est que nous sommes dans une région particulière de l'évolution planétaire où il y a la possibilité, et c'est arrivé quelquefois dans le passé, mais c'est très rare, nous sommes présentement dans une charnière au niveau du temps où il y a des personnes qui auront dans les années à venir la capacité de courber l'espace-temps, c'est-à-dire de sortir du continuum actuel pour revenir quelques secondes après, quelques dizaines ou quelques centaines ou quelques milliers d'années plus tard, au niveau du contexte planétaire. Ce qui fait que ça change tout au niveau des structures d'évolution. Cela fait en sorte qu'il y a, et ça arrive uniquement parce qu'il y a suffisamment de génétique élitique, quelle que soit la couleur de la peau, il y a des êtres humains qui sont subitement capables de conscientiser plutôt que d'apprendre, et qui sont capables de conscientiser plutôt que de comprendre, et qui sont capables de s'associer de plus en plus à l'évidence d'une vie simple, à l'évidence d'une vie intelligente, aristocratique, esthétique, efficace, non spiritualisée, mais divinisée. La spiritualité, c'est l'espoir de rencontrer Dieu. Bon, la divinisation, c'est l'expression même de mécanique que les spirituels cherchent à retrouver. Alors, les êtres humains qui, dans les années à venir, auront la capacité de faire ça, sont des êtres humains qui vont totalement s'exclure de l'apocalypse des autres. Ce sont des êtres humains qui vont avoir la capacité de vivre des amuse-gueules de la conscientisation qui n'a pas été donnée à plusieurs personnes sur le contexte planétaire. Élie a vécu ça. Le Nazaréen, c'est autre chose. Il y a Moïse qui a vécu ça. Il y en a quelques-uns comme ça qui ont vécu ça. Il y en a dans d'autres races aussi, dans d'autres religions. Ils ne sont pas à peine dénommés, ils ne sont pas connus. Gautama a vécu ça. Bon, il y a plusieurs comme ça. Alors, présentement, c'est ce qui arrive. Ce qui fait que le poids charnière, premièrement, en ce qui me concerne, c'est de permettre la descente plus évidentes de mémoire incarnationnelle qui viennent d'un monde de l'avenir, et en même temps de permettre la transparentisation des mécaniques qui me permettaient de communiquer l'intelligence supramentale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rendre mon centre laryngé plus transparent, et ce qui va permettre, plus ça va aller, de communiquer une information supramentale de plus en plus énergétiquement capable de faire vibrer les corps vibratoires des personnes. Ça veut dire que les personnes peuvent ne pas nécessairement tout comprendre ce que je veux dire, mais de toute façon, cela va changer des choses chez elles parce qu'au niveau de vibration, elles auront changé. Mais ça va me permettre aussi en même temps de laisser transparent le centre laryngé à une information capable d'adoucir l'intelligence supramentale, de façon à permettre la communication d'une énergie qui va aussi faire vibrer non pas uniquement le corps supramental des personnes et le corps mental, mais qui va aussi avoir la capacité de nourrir leur corps astral sans égoïser le centre de l'âme, donc sans engrossir l'ego. Alors ça va faire un peu comme ce soir, où on peut rire énormément, donc on nourrit le corps astral, on se relaxe, on est alimenté au niveau astral, ce qui manque de plus en plus présentement à l'échelle planétaire. Et en même temps, on peut, lors de la deuxième partie de la conférence, ou un peu lors de la première aussi, à un moment donné, par le biais des réponses, peut-être qu'on rit un peu moins, on nourrit un peu moins le corps astral, mais là on va s'occuper du corps mental, du plan supramental, c'est-à-dire qu'on va monter à un niveau où les personnes vont résonner dans d'autres sphères, tout en ayant été capable de rassasier convenablement le corps astral et même le corps vital au début. Est-ce que ça veut dire que, devenant plus transparent, si, bon, par ta communication, ça devient plus transparent, l'énergie supramentale, est-ce que ça veut dire nécessairement que tu vas être un pôle d'attraction ou dans un sens... Je ne serai pas un pôle. C'est pas le bon mot, là. Est-ce que tu... Je ne serai pas un pôle. On passe aux questions. Est-ce que tu vas être ça? Pas un pôle, mais l'autre affaire. Vous savez comment c'est, mais poser des questions dont on connaît la réponse, hein, c'est une vraie farce. Hein, Quel point faible a la Est-ce que je vais être à deux pôles? Voilà, bon. Négatif, positif? Non. Quoi? Ben, deux pôles. Les pôles... Vous savez, quand on est ici, à sa planète, le pôle qui est en bas, c'est le pôle sud, hein? Allez dans la Terre de feu, demandez-leur, c'est qui le pôle qui est en bas? Ils vont vous dire le pôle nord. Ils vont dire, écoute, on n'est pas en bas, nous autres, l'eau reste d'inverse. Il n'y a pas de négatif positif au niveau de la conscience supramentale. Il n'y a pas de négatif positif. Je dis que... Par parallélisme, je ne suis pas un pôle, je suis quelque chose qui a deux pôles. Voilà, on passe aux questions. Tu écouteras la cassette. Quel point faible à l'astral? Tu écouteras l'envers, effectivement. La réponse est donnée tout à l'envers. Quoi? Quel point faible à l'astral? Quels sont les points faibles de l'astral? L'astral, c'est un point faible, c'est d'une faiblesse. Il n'y a pas de point faible dans l'astral. C'est la partie faible de la création. Étant donné que l'être humain est à 95% constitué d'astral, il est faible. Il n'y a pas de point faible dans l'astral. Bon, mais ça devient une force. Quand tu es mental, non, c'est sûr que l'astral, c'est sûr, prends par exemple des aveugles, place-les juste des aveugles dans une pièce. Ben, c'est des aveugles. Il va avoir un président aveugle, il va avoir des directeurs aveugles, directrices aveugles. C'est une force. Place ces aveugles dans un endroit où le monde voit clair. Puis là, tu as des chances que le président aveugle, il ne soit plus élu. Alors, c'est un peu la même chose. Tant que l'astral domine, c'est évident, c'est une force, ça fait ce qu'elle veut. Quand l'humain commence à être un peu plus conscient, quand l'humain commence à se rapprocher de l'état d'être ici et maintenant, bien nécessairement, l'astral a plus de puissance. Il y a un personnage, je n'ai pas connu des personnages, vous en avez connu, mais vous les avez oubliés. Il a dit à un moment donné à François, les gens disent qu'il s'appelait Saint-François, bon, on dit, le bonhomme, il dit à François, il dit, il a peur du diable, c'est une peste. François a peur du diable, c'est du démon, tout ça au complet. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il se promenait avec quasiment rien, parce que la tentation, il la fuyait. Hein. Il était pas assez fort pour contrôler. Puis le bonhomme, il a dit, écoute, le diable, c'est un ennemi, tant que tu n'as pas réussi à le réduire en esclavage. L'astral, c'est la même chose. L'astral, c'est un ennemi parce qu'on ne s'en sert pas. Donc, si on ne s'en sert pas, il se sert de nous. Mais on n'a qu'à s'en servir de l'astral. Puis si on sert de l'astral, l'astral ne se servira plus de nous autres. Simple. On peut s'en servir pour faire quoi? Ben, simplement pour faire. Quand tu es capable de te servir de l'astral, tu n'auras plus le désir émotif de vouloir fabriquer des choses. Donc, tu vas faire ce qui aura à être fait. Si je te le dis, ça va créer des désirs émotifs de le faire. Tu vas aller te louer un petit terrain, là, tu vas te planter des fous là-dedans, des oignons, des colonnes. Oui, la première chose que l'humain va faire avec l'astral, c'est de transformer tout ce qui est inhabitable en partie habitable. Bon, c'est les forces de la nature entrent là-dedans. C'est l'humain. Absolument. Okay. Bon, ça. Rien ne se perd, rien ne se crée. Avec tout ce qu'on a détruit, il doit y avoir du stock quelque part. Hein? Rien ne se perd, rien ne se crée. Mais à un moment donné, on va aller chercher le matériel énergétique qui traîne où ça se perd pas. Puis on va le descendre où ce que c'était avant. Qu'est-ce qui fait que l'astral est si puissant à me manipuler alors que je suis renseigné sur sa mécanique? Et vous, être renseigné, c'est une bonne chose. C'est comme, par exemple, vous avez appris à la recette au complet. Mais ça ne vous nourrira pas, la recette. À moins, évidemment, que vous digériez bien le papier. Ça ne vous nourrit pas du tout. Il faut maintenant trouver les ingrédients. Alors, souvent, on les a. Vous êtes un bon garde-manger. Et l'astral s'en sert. Et puis maintenant qu'on a les ingrédients et la recette, il faut faire le mélange. Il faut le faire cuire. Initiation, qui vient du mot ignition, feu, ignès. On doit le faire cuire. Et après, on aura quelque chose qui pourra nous alimenter. Il y aura de l'allure. Alors, qu'est-ce qui fait que l'astral est si puissant à me manipuler? C'est que vous êtes trop astralisé. Donc, le maître est là. Simple. Qu'est-ce qui fait que l'essence brûle tant dans ma maison? C'est qu'il y a de l'essence. Ça brûle tant n'importe où, l'essence. Dehors, on brûle, en dedans, on brûle. Et pourquoi ça brûle tant dans la maison? C'est parce qu'il y a de l'essence dans la maison. S'il n'y a pas d'essence dans la maison, bien, l'essence brûle toujours, mais ça ne brûle plus chez vous. L'astral, c'est la même chose. Bon, me manipuler alors que je suis renseigné sur sa mécanique. Et vous, on apprend. C'est l'astral qui vient d'apprendre. On comprend. C'est l'alliance du mental et de l'astral qui vient d'être établi. On conscientise, ça c'est l'Esprit Saint, dans l'ancienne étymologie. Là, c'est l'intelligence supramentale qui maintenant est capable de descendre au niveau de l'être humain pour commencer à placer des mécaniques qui vont désassujettir l'humain des manipulations astrales. Tout ne se fait pas du jour au lendemain. La personne, elle, maintenant, elle le connaît, elle est renseignée sur la mécanique. C'est une très bonne chose. Et progressivement, elle va finir par augmenter ses plans vibratoires. Elle va finir par être capable de découvrir presque instantanément quand elle se fait ramasser. Et par la suite, elle va commencer à développer l'intelligenciation, c'est-à-dire qu'elle aura la capacité de trouver mentalement idiot d'être manipulée comme elle vient d'être manipulée. Et progressivement, elle aura la capacité de conscientiser maintenant la manipulation en même temps qu'elle s'exprime. Quelque temps après, elle conscientisera que la manipulation ne s'exprime plus. Bien, c'est des marches à monter. Pourquoi ne voulais-tu pas être le premier les fois que tu t'es rencontré avec toi-même? Référence, dernière conférence. Que tu le retardais. Puisque tu sais qu'on ne choisit pas, cela ne faisait que retarder ta voix. Mais d'autres choses aussi que je sais. Premièrement, c'est évident que j'ai eu en masse d'expérience dans le passé pour vérifier mon avenir avant d'embarquer dedans. Maintenant, une chose qu'on doit comprendre, des choses que je dis aux séminaristes surtout, c'est qu'il y a des lois de l'être nouveau et des lois de l'être ancien. Dans les lois de l'être ancien, tu ne changeras rien tant que ce ne sera pas le temps. Dans les lois de l'être nouveau, ça va être le temps quand tu vas décider de changer. Alors, en ce qui me concerne, j'avais donc la possibilité de retarder. Sauf que ce n'est pas intelligent. Mais le retard que j'ai fait en ce qui concerne différentes choses dans la conscientisation, pas juste la mienne, c'était simplement pour pouvoir rendre plus facile. Voyez-vous, j'aurais pu aller beaucoup plus rapidement, briser des choses. À travers mes séminaires, j'aurais brisé beaucoup d'égos aussi. Les égos radis et crimes, on va plus vite. Oui, personne n'aurait été plus vite, tout le monde aurait souffert beaucoup plus. La façon dont c'est procédé, dont c'est fait actuellement, il y aura beaucoup plus de plaisir à se conscientiser pour la majorité des individus qui vont le faire, puis de ceux et celles qui vont commencer dans les années à venir. Alors, c'est pourquoi c'est intelligent d'attendre. Tu viens de dire, avant de répondre à la question, que tu savais bien d'autres choses. Quelles sont ces choses? Tellement. Ben, ça me donne... La première? Comment se parle la première? Il n'a pas de première. Pose une question claire ou pose d'autres questions. C'est que je sais, oui. Oui, quoi, vas-y. Alors, je te laisse aller. Ah, il n'y a rien là-dessus. Lorsque je souffre de migraine et que je vis le moment présent, la souffrance amplifie. Je deviens centré sur le malaise. Comment peut-on vivre le moment présent sans souffrir davantage lorsqu'il y a douleur dans le corps? Bon, c'est très facile. Quand on vit le moment présent, il n'y a plus de douleur dans le corps physique. Donc, si la douleur amplifie, c'est qu'on ne vit pas le moment présent, mais on est probablement concentré à vivre le moment présent. Et si on est concentré à vivre le moment présent, cela veut dire qu'on focalise la majorité de nos énergies mémorielles dans un espace-temps limité. Autrement dit, on prend une heure de mémoire et on essaie de la concentrer en une minute de mémoire ou en une seconde de mémoire. L'être humain doit développer l'attention. L'attention, c'est typique de la conscientisation, c'est typique de l'état d'être ici et maintenant, et c'est typique aussi de l'ère nouvelle. Être attentif, c'est être concentré sur tout. Alors qu'être concentré, c'est être attentif sur une seule chose. L'être humain doit développer l'attention. Une personne qui est ici et maintenant n'est pas focalisée sur son corps physique. Donc, elle n'est pas concentrative. Elle n'est pas focalisée sur sa douleur. Elle n'est pas concentrative. Elle n'est pas focalisée sur l'instant présent. Être ici maintenant doit apparaître uniquement lorsqu'il n'y a pas de mémoire. Autrement dit, vous ne savez pas que vous êtes ici maintenant. Vous êtes ici maintenant. Personne qui se dit, bon, je suis ici, je suis, oui, voilà, je, oui. C'est un exemple que je donne, là, je le fais en parlant, mais souvent, dans la subtilité, c'est ce qui arrive, ce qu'on vit. La personne, elle n'est pas présente. Bon. Je vais vous donner un exemple très, très, très banal ici, là. Qui n'a pas fait le séminaire? Bon, prendre des personnes, voilà, je peux remoncer les autres, ils sont usés un petit peu. Prends monsieur ici, et je lui pose une question. Toi, tu restes ici et maintenant. Tu restes présent, c'est facile. Parfait. T'as compris ce que j'ai dit? Parfait. Il m'a répondu, mais pendant... Et ton prénom? Jean-Pierre. Je pensais que c'était Pierre. Pendant un instant, quand il m'a répondu, il est mort. Il est allé fouiller dans sa mémoire pour savoir s'il avait bien compris. Après ça, il est revenu puis il m'a dit oui. T'as-tu conscientisé ça? Bon, il est d'accord avec moi. La subtilité d'être ici maintenant... Je veux que tu sois ici maintenant. D'accord avec ça? Il meurt, c'est-à-dire qu'il décolle de la vie, il va dans la mémoire, puis il revient me dire, oui, je suis d'accord. Donc, c'est juste son ego qui me répond. Puis l'ego ne peut pas être ici maintenant. Quel âge as-tu? T'es allé fouiller encore. Voilà. Il sait quel âge il a, mais il ne sait pas. Il est allé réfléchir, puis il est venu me dire l'âge qu'il avait. Pourtant, on le sait. Mais on ne le sait pas. Imaginez que l'être humain est continuellement obligé de vivre dans sa mémoire, alors que c'est un être vivant. Et quand tu vas fouiller, tu perds toute la conscience de la salle, toute la conscience de la vie. Il est mort. En termes PMC, on parle de mort. Il est mort. La personne, elle veut vivre l'être ici maintenant. Elle aurait n'importe quelle douleur. Elle ne vit pas le ici et maintenant. La douleur, pour qu'elle soit perçue, nécessite de la mémoire chez l'animal, ou chez l'humain, ou chez la plante. Si je vous pince et vous n'avez pas de mémoire cérébrale, vous ne pouvez pas enregistrer la continuité dans la douleur, donc vous ne souffrez pas. Quand on est ici et maintenant, on est totalement déconnecté de cette mécanique-là. On va se dire... Tiens, j'ai une migraine. Disons, là, on ne se le dit pas, mais on le sait. Est-ce qu'on a mal? Non. Parce que chez l'être nouveau, l'information sensitive, l'information utile pour nous permettre une gestion efficace, des corps inférieurs, mais plus la souffrance. Chez l'animal humain, chez l'être humain et chez l'humain, vous avez un problème aux dents, vous aurez mal aux dents. Vous avez un problème astral, vous aurez une souffrance émotive. Vous avez un problème vital, vous aurez un cancer, vous aurez une fatigue. Chez l'être nouveau, à un moment donné, il se dit, tiens, je me suis planté un clou dans le pied. Est-ce que ça fait mal? Non. Mais comment tu le sais? Voilà. L'information chez l'être nouveau ne provient pas à la conscience par la souffrance. Pourquoi? Parce que la souffrance, c'est de l'expérimentation continuelle qui amène une irritation dans la mémoire. C'est répéter, répéter, répéter, répéter, pouf, irritation. Et là, ça va enclencher une mécanique qui va faire en sorte qu'on va réagir. Exemple que je peux donner. Quand je fais ce bruit-là ici-là, ça ne dérange personne. À part mon doigt. Bon. Hein? Ça ne dérange personne. Si je fais venir quelqu'un ici, puis je veux qu'il donne un coup comme ça à chaque 30 secondes, vous allez voir que dans 10 minutes, vous allez en avoir tous ras-le-bol. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas ici maintenant. Vous laissez votre mémoire la possibilité de cumuler le nombre de coups. Rendu à un certain degré, il y aura la création lente d'une irritation subtile. Et progressivement, l'irritation va augmenter en fonction du nombre de coups. Et vous dites, je suis ici maintenant, mais peux-tu arrêter? Non. Si le premier coup ne vous dérange pas, le 3000e ne vous dérange pas plus, parce que ça reste un premier coup. Sauf si on cumule l'expérience dans la conscience astrale, dans la conscience mémorielle. C'est subtilité. Vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez vous découvrir comme étant tellement intelligent et intelligente que toutes les subtilités, vous allez les voir claires. Il y a un piège. La subtile subtilité. Quand la personne la voit tout ça clair, clair, clair, là, au lieu de se dire, crime, je suis rendu que je vois clair, elle se dit, moi, on dit que je suis laid. Elle se fait encore ramasser. Être ici et maintenant, c'est être vivant. Être vivant, c'est un paquet de choses. Bon, c'est un peu long à être compté ici, mais être vivant, être vivante, c'est être ici et maintenant. Ça, c'est évident. Et il n'y a plus de mémoire. Puis quand je dis, il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus de mémoire émotive. Monsieur ici, Pierre, il pourrait connaître son âge, sans fouiller dans sa mémoire. Il sera en contact avec la mémoire. Donc, il ne fouillerait pas dans sa mémoire. Il y aurait l'information immédiatement. Donc, il saurait où est son automobile ou encore où on prend le métro. Il saurait où est sa maison. La différence, il n'oublierait plus jamais où il reste. Hein, c'est bon. Quel est ce pas que tu dois faire avant nous et qui nous faciliterait la tâche, si j'ai bien compris? Ça, c'est la même question que tout à l'heure. Pense à la cassette, Simon. Oui. Y a-t-il eu rencontre entre les deux antennes? Question. Si oui, quelles seront les conséquences pour les personnes reliées à ces deux faisceaux? Alors, je vais répondre à toutes les questions de la personne pour la personne, c'est que c'est pas le temps qu'on en parle. Donc, elle sait tout. Voilà. On continue. Lorsque je dis « je me suis fier à moi-même », je me suis fier. Ah ouais. Faites des fautes d'orthographe. Il est habitué à aller avec des fautes d'orthographe, lui. Qu'est-ce que le « je » et qu'est-ce que le « moi-même » ? Voilà. Une personne dit « je me suis fier à moi-même », elle est totalement morte. C'est-à-dire qu'elle est encore dans l'illusion, elle est dans l'astral. Je suis d'accord. L'ego est pluriconstitué, constitué de plusieurs facettes, de plusieurs morceaux. Alors, ce qui arrive simplement, c'est que c'est un tantinet complexe à expliquer. Je vais le faire t'expliquer comme j'ai déjà fait, c'est plus facile. Vous, ce que vous faites au niveau de l'ego, là, vous êtes là, et puis il y a le mental et il y a l'astral. Le mental, disons que lorsque le mental n'est pas tellement puissant, on appelle ça de l'intellect. Et l'intellect, c'est toujours associé à l'ego. Quand l'ego a peur, il va voir l'intellect, l'intellect fabrique une arme, puis c'est l'ego qui s'en sert. Bon, c'est vraiment intelligent, finalement. Le mental ne fabriquera pas d'arme, va dire à l'ego, fais une thérapie. Bon. Maintenant, ce qui arrive, c'est que vous, mentalement, vous observez l'ego, vous observez, par exemple, la mémoire dans l'ego, du fait que l'ego, par exemple, s'est fié à elle, ou à lui. Et là, ce qui arrive, c'est que la mémoire Le mental observant l'ego, le mental expérimente l'ego. Expérimentant l'ego, cela crée l'expérience du mental de l'expérience de l'ego. Autrement dit, c'est comme si dans le mental apparaissait une photo de la face de l'ego. Et maintenant que la photo est apparue, l'ego est capable de voir la photo. Et quand l'ego voit la photo, bien, l'ego, il pense que c'est lui. Ce qui va faciliter l'ego, ce qui va lui faciliter la tâche pour dire « Je suis fier de moi. » Hein, bon. Quand un être humain parle de lui, il doit faire une transition. Parce que si je suis fier de moi, je n'ai pas à le dire. Si je le dis, c'est que je dois m'en nourrir. Et ça nécessite nécessairement un observateur de la fierté. Et un observateur du fait que j'observe que je suis fier. Ça nécessite un mental inférieur. Et ça nécessite un ego. Quand la personne dit « je me suis fié à moi-même », qui suis-je? Que de l'ego. Que de la mémoire. L'appareil photographique prend une photo et il y a un appareil photographique qui prend une photo de l'appareil photographique qui prend une photo. Ce qui se passe dans l'ego, à un moment donné, c'est un peu comme si vous placez deux miroirs à chaque bord de vous. Quand vous arrivez entre les deux, bien, vous voyez des milliers de vous. Essayez ça un jour dans la loi, c'est traumatisant. Vous voyez un paquet de fois, vous allez dire, tabarnouche, que de souliers à acheter. Mais ça va comme jusqu'à l'infini. Mais c'est un peu ce qui arrive dans l'ego. Quand vous dites « Hey, c'est moi, les miroirs », puis ce que vous regardez, c'est la photo, le miroir, hein, une photo, une mémoire photonique, une photo, de vous-même. Mais vous jouez le jeu comme les gars jouent le jeu. Vous dites pas « Hey, mais c'est mon image. Oh. »« Hey, c'est moi. Hein, » il y a plusieurs personnes qui regardent une photo. « Hey, gars, c'est moi qui est là, c'est moi qui est là. » Moi, je regarde dans ça là, puis... Bilocation. Il est là, puis il est là. Oh boy. Ah, puis plein, t'as des photos de lui, t'es gâte, hein? Hein? Une décalocation géniale. Parce que l'humain, c'est l'ego qui s'exprime, donc l'ego joue le même jeu. Quand l'ego se voit dans le mental, l'ego dit, tiens, je me suis fié à moi-même. Parce qu'il revoit l'expérience au niveau de la mémoire. Mais ça reste de l'ego. Actuellement, j'ai une vision très négative du monde. Je vois. Mais il faut cesser de le regarder. Je vois de l'illusion partout. Tout ce que les gens disent est illusion. Ça n'existe pas réellement. Tout se transforme et tout est impermanent. Comment puis-je trouver le réel? La personne, elle est carrément dans le réel, elle a le nez collé dans le réel, elle respire le réel, elle mange du réel, elle excrète du réel, puis elle marche sur du réel. La première chose réelle que l'humain doit rencontrer, la personne va dire « Oh, ben ça, je le sais, ça! » Non, non, elle ne sait pas. Première chose réelle que l'humain doit constater, c'est la réalité de l'illusion. Personne qui recherche le réel en fuyant l'illusion fuit de par le fait même le réel. Si vous m'amenez un mensonge, le mensonge est réel. L'information contenue dedans n'est pas ajustée. Mais le mensonge en lui-même est réel. Alors la personne, elle doit savoir que l'illusion est réelle. Elle doit découvrir la réalité de l'illusion. Quand on parvient dans sa conscience à découvrir la réalité de l'illusion, on est totalement dans le réel. Et une fois qu'on est dans le réel, il va rester nécessairement à transcender les mécaniques limitatrices, les mécaniques involutives, pour parvenir à vivre le réel. Ben, une chose à la fois. Comment puis-je trouver le réel? Grosse question posée par l'ego, et je ne dis pas ça pour que la personne se frustre, je dis ça pour que la personne comprenne. Si tout est illusion, partout tout ce que les gens disent est illusion, ne me demandez pas de vous dire ce qu'est le réel. l'être humain doit être suffisamment subtil pour se décoder. Être son seul maître, c'est ça. Être un décodeur des structures qui nous habitent, du virus, qui est l'ego, qui est toujours en train de nous charrier. Été comme hiver. Actuellement, j'ai une vision très négative du monde. Votre vision fait partie du mensonge cosmique, donc de l'illusion. L'être humain qui est très bas, normalement, voit le monde très beau. L'être humain qui a des capacités à s'en sortir et à grimper, voit normalement le monde très laid. Question de différence de potentiel. Quand vous n'avez pas une scène, vous voyez celui qui a 5 000 qui est maintenant très riche. Quand vous avez 500 000, vous voyez celui qui a 5 000 qui est maintenant très pauvre. Vous ne devez pas attendre après l'extérieur pour avancer, parce que l'extérieur, vous vous en servirez uniquement contre vous-même. Moi, je ne trouve pas le monde laid. Le monde, il est génial. Il est beau. C'est évident que si je me projette dans l'avenir, ou que si j'essaie de projeter ce que je suis ou ce que j'aimerais être à travers les autres, ils vont être laids. Probablement aussi laids que je me trouverais laid. Si je me verrais. Alors, ce qui va arriver simplement, c'est qu'on rencontre une personne, et puis la majorité des individus, ils ont suffisamment de beauté, d'intelligence chez eux, chez elles. Sauf que les personnes qui sont assujetties à des mécaniques astrales, qu'est-ce qu'elles font? Ben, c'est qu'elles voient uniquement leur laideur projetée chez autrui. Et quand je dis leur laideur, ça ne veut pas dire qu'on est extrêmement laid, ça veut dire qu'on ne voit pas notre beauté. C'est simple. Vous achetez un Picasso. Non, pas un Picasso, ça c'est là au bout. Bon. Vous achetez peinture. Bon. Il y a un défaut dans la peinture. Un pouce par un pouce. La peinture, c'est une murale. Et vous avez le nez collé dans le défaut. Mais vous allez en parler longtemps du défaut. Quelqu'un passe à côté de vous, puis comment c'est la peinture? Vous avez le nez collé dedans. Ben, il y a des mots du défaut dedans, là. Ça n'a pas dû l'acheter. Alors moi, ce défaut-là, il marchait à l'entorieux. C'est imagine que le reste, j'ai pas encore vu le reste, mais imagine le reste. Ah! Ah! Ouais, il y a un maudit gros défaut. L'affaire qu'il y a, c'est que prenez du recul un peu, là, vous allez finir par voir d'autres choses. Il y a plein d'autres choses aussi, vous allez comprendre à un moment donné. Présentement, vous êtes des loupes de la vie. Ouais. Vous êtes des microscopes de la vie. Qu'est-ce que c'est? C'est que vous regardez un livre, la vie, hein, un livre à lire, puis vous avez le livre tellement collé dedans que vous voyez toutes les imperfections des lettres. Puis vous voyez une patte de mouche, puis une lettre, puis une affaire, puis donc vous ne comprenez rien de ce qui est écrit. Puis quand on arrive à avoir une conscience beaucoup plus vaste, c'est comme si on changeait d'objectif, puis on commence à voir beaucoup plus gros, hein, du macro, on passe à un objectif grand angle, et puis à un moment donné, en ayant une conscience de plus en plus vaste, c'est comme si on prenait un recul par rapport au livre, donc par rapport à la vie. Et là, subitement, toutes les imperfections commencent à disparaître. Quelqu'un va dire, « Ouais, mais c'est encore imparfait! » C'est vrai, mais tu n'as rien à foutre. Cette imperfection-là ne fait pas partie de ton plan de vie. Donc, dans ton plan de vie, toi, c'est parfait. Toi, c'est pas les manques d'encre dans les lettres qu'il faut que tu regardes. C'est le manque de lettres. Il n'en manque pas de lettres. Il commence à lire l'histoire. Il laisse faire le reste. Les microbes s'intéressent au manque d'encre. Pas l'humain. C'est ce qu'on doit faire. Monsieur Kemp. C'est moi. Est-ce que la consommation de PMC peut causer une ouverture de chakra et par conséquent une montée de Kundalini? Ah, il est où? Je vais aider. Il ne faut pas souffler, hein? Et que penser de la consommation du peyote chez les chamans? Chaman n'a rien, ça. Quand on pense ce genre de choses-là, là. Non, le peyote puis les drogues, c'est le chaman n'a rien. Voyez-vous, la personne, elle a une vision particulière des mécaniques de la vie. Elle parle de consommation. Je ne sais pas s'il a fait la comptabilité de la consommation d'air après une journée. Non, quelqu'un qui consomme le PMC est comme quelqu'un qui consomme de la drogue. on ne consomme pas le PMC. Quelqu'un qui consomme la vie, c'est quelqu'un qui risque de mourir à tout bout de champ. Il consomme la vie. La vie va le consumer. Effectivement, les personnes qui pratiquent intelligemment la structure du programme Maître Contrôleur, entre autres, ils sont parlés de PCP, quelqu'un qui pratiquerait le PMC convenablement va ouvrir ses chakras. Et si on regarde la consommation de PCP, c'est du PMC, ce que ça donne à l'intérieur du corps physique, vous savez, il y a... Promis, c'est la dernière fois qu'il m'interview. Là, c'est une publicité. Ah, pas foutu de poser des questions intelligentes dans la première partie, pas foutu de poser des questions du monde à la deuxième. Franchement, en tout cas. C'est bien. La Kundalini, est-ce que tu sais ce que c'est? Oh non. Une grande queue. Ouais, c'est vrai. Il parle d'un serpent parce que, tu sais, bon. Dans la Bible, le serpent est descendu de l'arbre pour venir ramasser Ève. Puis chez les hindous, ben, le serpent, il remonte dans l'homme, tu sais, pour le grimper au plafond. Bon. Toute substance qui n'est pas produite par le corps physique est une substance qui va faire souffrir énormément l'humain parce que ça va ouvrir des portes. Il y a des drogues présentement sur la planète qui sont capables de prendre une personne puis la connecter directement au plan supramental, donc à l'Esprit Saint, donc à l'Esprit. Le problème, c'est que la personne, tout ce qu'elle pourra faire, c'est un peu comme si je vous disais, ça vous tente-tu de connaître le paradis? Alors vous me dites oui. Parfait. Mais ici, là, on part. C'est comme si on prenait une drogue. On part, on fait un voyage. Là, on arrive quelque part. Là, il faut dire, regarde par le trou ici, là. Paradis qui est là de bord. Tu regardes par le trou, là. Waouh! Maintenant, je te dis, bon, maintenant, il faut qu'on s'en retourne. La drogue, elle va t'amener au trou. Mais tu ne rentreras jamais dans le paradis. Alors, la drogue, elle va ouvrir des chakras, des centres d'énergie, oui. Tant que tu es sous l'effet des drogues ou des produits extérieurs, impeccable. Tu vas assister à un spectacle. Tu n'en feras jamais partie. Non, il faut que l'humain parvienne par le contrôle du système endocrinien, donc par la sécrétion de drogues naturelles. On a déjà vu que les endorphines, par exemple, c'est une morphine naturelle, sont essentielles pour que l'être humain se sente joyeux, heureux. Quelqu'un qui prend de la morphine va aussi aller s'amuser. Mais ça va créer des problèmes. Alors, on doit travailler en fonction de nos propres énergies. La parole, c'est l'un des plus grands vecteurs pour aller en chercher. En ce qui concerne le peyote puis les chamans, cette drogue, elle permet de connecter l'humain aux forces éthériques planétaires, c'est-à-dire que ça permet de connecter la conscience de l'être humain aux énergies naturelles, aux entités de la nature. Et nécessairement, quand on joue là, on va arriver à certains résultats intéressants. Des résultats au niveau du plan vital, au niveau de, par exemple, de spectacles de foire. On n'évolue pas. On ne se conscientise pas non plus, puis on ne s'en sortira pas. Ce n'est pas... Les chamans n'ont jamais évolué, les chamans. Les chamans sont traditionnalistes, ils font les mêmes affaires depuis longtemps. Et le pire, ils ont besoin de payotes, donc ils ne sont pas libres. Ils sont mal pris. Sais-tu qui tu es? Ton rôle exact. Ah oui, j'ai tout ça là. Bien clair. Il continue à poser des questions. Veulent le savoir. Il peut sûrement avoir la réponse. Ben, la réponse, elle l'a eu. Elle me demande si qui je suis. Je dis oui. T'as-tu trouvé au bout de ton cheminement? Oh, ben, le cheminement n'est pas fini. Oh, l'instant, oh! Si tu réponds à la liberté, quelle liberté exactement? Précise, s'il vous plaît. Merci. Ouais, c'est pas la liberté. La liberté, c'est une illusion. C'est partie du mensonge cosmique. L'être humain, un jour, sera libre. Mais jamais il ne connaîtra la liberté. Jamais. Et ça, on va revenir là-dessus à travers d'autres conférences. C'est extrêmement long. On parlait du fait d'être libre, de la liberté. Non, la liberté, c'est un gros piège. Ouais. Quand l'humain sera plus humain, quand l'homme sera plus homme, quand la femme sera plus femme, quand la terre sera plus terre, là, l'humain vivra une liberté. Pas l'humain, mais ce qui restera sera vivra une liberté. Présentement, dans un continuum spatio-temporel, tout corps impose son espace-temps aux autres. Donc, en partant à la liberté, il faut oublier ça. C'est à cause de... être libre, oui. Se relier au non-libre-arbitre, la liberté. C'est évident que l'humain n'a pas de libre-arbitre, puis c'est évident que l'humain n'en aura jamais non plus. Donc, la liberté n'existe pas, c'est une farce. Tu sais, quelqu'un qui n'était pas un astrophysicien, là, au lieu de dire que tout corps impose son espace-temps au corps à côté, dit la liberté de quelqu'un s'arrête, la liberté d'un autre commence. Hein, c'est la même affaire. Fait qu'il faut que tu tues tout le monde au complet. Quand tout le monde est mort, là, t'es libre. Mais là, t'as faim, tu fais un Big Mac, personne ne te le fait. Tu ne vas pas plus libre. On parle de liberté, le libre dans le sens liberté. L'être nouveau est libre dans sa conscience, libre au niveau de ses énergies, centré dans son intelligence. Pas la liberté. Moi, je ne suis pas libre dans le contexte planétaire, donc je ne vis pas de liberté. Mais je suis libre en maudit à l'intérieur de moi, par exemple. Donc, je ne vis pas d'assujettissement. Et qu'en physique, peut vivre des assujettissements. Il appartient au monde quadridimensionnel. Bon, le corps vital peut vivre des assujettissements. Il appartient au monde quadridimensionnel. Le corps astral et le corps mental aussi. Et puis, à un moment donné, eh bien, on vient aider les corps inférieurs pour changer certains vecteurs de manipulation et progressivement, en terrestrifiant le phénomène supramental, progressivement, le corps physique, les corps inférieurs, finissent par devenir un centre de gravitation qui va courber légèrement l'espace-temps autour. De ce fait, ma présence va en imposer un peu plus aux autres corps. Mais encore là, ce n'est pas de la liberté. Disons, c'est de la libère. Possible. Ce ne sera jamais complet tant que l'humain sera dans un contexte planétaire. Comment avoir une pensée juste qui n'investit pas dans l'ego? Il faut juste ne pas avoir de pensée. La pensée, ça n'appartient pas à l'humain. La pensée, c'est un message télégraphique qui traverse toutes les têtes au niveau astral. Et puis les personnes, de temps en temps, ils font attention, de temps en temps, ils ne font pas attention. La pensée, ça n'appartient pas à l'homme, ça n'appartient pas à la femme, ça n'appartient pas à l'enfant. La pensée, ça contrôle l'humain, mais ce n'est pas contrôlé par l'humain. La personne, ce qu'elle doit faire, c'est qu'elle doit commencer à apprendre à parler dans sa tête. Et quand elle apprend à parler dans sa tête, cela veut dire que si c'est elle qui parle, si ce n'est pas de la pensée qui joue la parole, la personne sera capable de se taire quand elle voudra se taire. Puis en arrière, il y aura encore de la musique qui va foutre seule, ou il y aura de la pensée qui va continuer, ou il y aura des images qui vont défiler. Bon, ça, c'est toute une mécanique de la pensée. Et nécessairement, ça va investir la conscience supramentale de l'humain, ça va le rendre plus astralisé. L'ego investit toujours la pensée, parce que la pensée, c'est uniquement de la mémoire. C'est uniquement une question d'astralité. Il n'y a personne qui contrôle sa pensée. Puis je le dis encore une fois pour ceux qui ne viennent pas souvent ou qui viennent la première fois m'écouter. Couchez-vous ce soir, et puis ne pensez pas. Et vous allez voir, ça va penser dans votre tête. Si ça pense dans votre tête, ce n'est pas vous qui contrôlez la pensée. Ce n'est pas vous qui contrôlez la pensée, ce n'est pas vous qui parlez. Ce n'est pas vous qui pensez. C'est simple. Par contre, on parle. Là, on se dit, maudit, il faudrait que j'arrête de penser à ça. On vient de parler. On est capable d'arrêter de parler. Ça, c'est nous autres. Puis la pensée, elle continue. Là. Pour ça, la pensée, elle dit, ouais, c'est vrai, il faudrait m'arrêter de penser à ça. Puis la pensée, elle continue comme ça, là. Concentre-toi pour arrêter de penser, peut-être. Puis tu commences à te concentrer, puis ça te dit, ouais, c'est pas mal beau ta concentration. Tu dis, merde, je peux concentrer, ça parle encore. Puis tu te concentres, tu te dis, hey, ça fait 5 minutes, peut-être c'est assez, là. Puis là, on se passe, c'est horrieux. Puis tu commences à te concentrer, écoute, tu passes à ton chat. Puis tu as faim. Non, l'humain n'a pas à travailler pour contrôler sa pensée, parce que l'humain, il fait combien de milliers d'années qu'on essaie de contrôler la pensée? Dans les monastères, dans les ashrams, tout partout sur la planète, ça n'a jamais rien donné. La pensée continue à contrôler l'humain. Alors, on arrête. Mais... moi, je suis pour, moi, qu'on cesse de faire ce qui ne fonctionne pas. Moi, c'est... mais spirituellement, ce qui venait des Indes, là, l'être ici maintenant qui est amené de là, c'était relié à ça, finalement, à vivre le vide dans la tête? Ouais, ben, être ici maintenant, ça vient du Japon. Ah, du Japon. Surtout. Ça a été renforcé beaucoup par le bouddhiste zen. Il y a un peu des aides, le bouddhisme, bon, d'accord, mais la mécanique zen, être ici maintenant, est surtout zen. Puis la mécanique zen, c'est l'une des mécaniques, l'une des techniques sur le plan planétaire, qui quand même provient du passé, qui est le plus près d'amener l'humain à un contact supramental. C'est la plus pure technique permettant l'approche d'une conscience astralisée à un point supramental. Bon, aujourd'hui, on a des techniques qui sont nouvelles, qui vont permettre d'aller plus loin. La mélozen, c'est un zen bien appliqué, avec une quantisation, par exemple, où on va utiliser des koans. Des koans qui sont des court-circuitages de la pensée, qui va faire en sorte que l'individu va subitement comprendre par l'instantanéité, donc par un contact supramental, un contact avec son esprit, l'individu va subitement comprendre quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que le maître est en train de lui dire. Et je m'amusais à un moment donné à faire des farces comme ça. Je traverse le pont et je découvre que le pont coule et non pas l'eau. C'est un koan. Un autre koan, c'est... Le bonhomme, les disciples, ça va voir le maître, puis il passe une soirée avec lui à jaser de philosophie. Finalement, le maître, il lui dit, bon, ben, c'est temps que tu ailles te coucher. Fait que le disciple, il vient sortir d'un coup, puis il se rend compte qu'il fait noir. Fait qu'il revient, puis il dit au maître, je peux t'avoir une chandelle. Le maître, il dit, ça craint, un petit coup de poing en pleine face. Il met un beigne en place. Fait que là, le disciple, il tombe à terre, puis il est illuminé. Mais si on comprend, c'est un bon coup de poing, c'est illuminé d'animé. Mais ça, c'est un courant. Un autre courant, vous allez comprendre, qui est très simple, c'est... Celui, par exemple, où vous êtes tombé dans un monastère. Hein? Et puis, vous venez me voir, disciple après disciple. Je suis le grand maître, le grand bichou, on va dire, c'est moi. Lui, ici, vous ne pourrez pas y faire confiance. Bon. Alors, venez-moi, puis là, moi, je vous dis, voici un bâton. Je te donne un bâton. Tu le mets dans ta chambre. Chaque jour, tu dois revenir me voir. Si tu reviens avec le bâton, je t'en donne un deuxième. Si tu ne l'amènes pas, tu m'en dois un. Dans 3 mois, tu n'es pas sorti de la loupe, je te sors du monastère. Fait que le lendemain matin, tu te dis, bon, ben là, j'ai même 5 bâtons ou pas. Si je vois 100 bâtons, il va dire, donne-moi-en un. Il va falloir que j'aille le chercher, je lui donne, il n'aurait plus. Fait que moi, il va y aller avec le bâton. Tu viens avec le bâton, tu avec ton bâton, je dis, ah, c'est un bâton, tiens, voilà un deuxième, tu pars avec 2 bâtons. Tu dis, ça y est, j'en ai 2. Là. Fait que demain, si j'en amène pas, puis il m'en demande un, il ne va pas y en donner un, il va m'en rester un. Ouais, mais il m'a parponné après ça, revenez avec mon bâton. Fait qu'il y en a un qui s'essaye. Peut-être qu'il y a juste 20 bâtons. Après 20 jours, il y a 20 bâtons à sa chambre. Et moi, le gravichou, il est plein de bâtons. Moi, j'ai acheté une forêt complète. Là, la personne, elle se dit, écoute, ça fait 2 mois et demi, il faut que je fasse quelque chose. Comment on sort de là? C'est un courant. C'est pour ça que les monastères zen, il n'y a pas beaucoup de monde là-dedans. Ouais, le monde, il pense parce que c'est austère, puis c'est Dieu qu'on lit, on le tape dessus des bâtons. Non, c'est parce qu'il arrive pas à passer le test. Alors, à un moment donné, il y a un novice qui se pointe, qui revient le lendemain, puis son bâton, ben, il vient me donner au maître, puis il dit, avant de le donner, il dit, il vire de bord, puis il donne. Le maître, il dit, merci, t'es libéré, rentre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, les courants. Le zen, ça permet à l'humain d'arriver à la conscience supramentale. Ce qui est intéressant au niveau du zen, c'est quelqu'un qui verrait faire le jeûne, il arriverait, puis il virerait le bâton de bord. Le maître prendrait un bâton, puis il casse sa tête. Puis l'autre s'en irait, il n'y aurait rien compris de plus. Un koan, une solution koanique, sert une fois dans toute la création. Ça ne sert jamais une deuxième fois. Ça veut dire que le maître doit être suffisamment spontané pour arriver à innover juste ce qu'il fallait pour planter l'autre, pour que l'autre devienne contacté avec lui-même pendant un laps de temps, puis il s'en va tout barbouillé d'enthousiasme, parce que ce n'est pas un contact permanent. Le zen, c'est ce qui amène l'humain le plus près du contact supramental. Alors que dans un contexte actuel, quand l'humain va avoir un contact supramental, ben, il n'aura pas besoin de jouer avec des bâtons. Et puis en plus, il va l'avoir en permanence. Au début, c'est 1 minute, c'est 1/2 heure, 1 heure, 1 heure et demie, 1/2 journée, par mois. T'sais. Puis après ça, lentement, ça finit par s'étendre jusqu'à temps que c'est 24 heures sur 24. Fait que le zen, c'est bien. C'est une des techniques qui est intéressante. Mais là, elle est tout faire ça aujourd'hui. Là, ils vont vous montrer à tirer de l'arc. Mais vous allez passer pendant 3 ans, vous allez tirer pas de flèche, tu sais. Tirez pas de flèche. Ah, ça y est, 3 ans de temps. 3 jours, 8 heures par jour, tu tirez pas de flèche. C'est pas dangereux, ça. Ben, le monde, ils ont tous les bras rouges, à un moment donné, tu sais, mais... Tirez pas de flèche. Pourquoi? Parce que c'est important que tu tires une flèche. Si tu veux tirer une flèche, ton égo veut un résultat tout de suite. Ça prend à tirer de l'arc ou à tirer des flèches? Ben, ils te font tirer de l'arc. Il y en a qui tirent l'arc carrément, je pense, genre. Vous trois ans, on te met une flèche, c'est juste en plein milieu du centre, du centre. On dit ça en plein centre du milieu. Là-bas, ils disent ça de même, en plein centre du milieu, ça. Là, ce qu'on fait après ça, c'est que c'est bien simple, hein? On prend... Il y a un bonhomme, tu sais, qui a fait un concours, à un moment donné. Il y avait un concours, c'était après les Olympiques, je ne sais plus à quelle année. Et puis, il y avait eu les archers, puis là, il y avait un maître Zen là, il y avait un spectacle de fermeture. Il est venu, puis il l'a fermé. Il y avait un grand mur, il y a des dessins dans le grand mur, puis il y avait une cible. Lui, il a pris son arc, il l'a bandé, il a dans des bouts de temps. C'est pas qu'on rentre des monastères, il a bandé l'autre chose. Bon, il rentre, il est temps. Puis à un moment donné, ben là, il respire, puis tout le monde attend, tout le monde attend, les caméras, on ne sait pas s'il y a assez de la cassette est assez grande pour filmer, tu sais. Puis à un moment donné, il lâche sa flèche, plaque, elle rentre dans le mur n'importe où. Carrément à côté de la cible. Et le monde ne comprend pas trop. Le grand bonhomme Zen, il prend une autre flèche, il rebande encore, il tire, il fait la première flèche. Il prend une troisième flèche, il regarde même pas, il se replace encore. Ses muscles se placent identiques à la première fois, donc la flèche va aller exactement à la même place. Flore, fin à la deuxième flèche. C'est tout. Quelqu'un vient le voir, il dit, hey, comment vous faites pour tirer de même? Ma cible était l'univers. Comment peux-tu manquer l'univers? Il s'est en allé. Puis là, le monde qui était là, ils n'ont rien compris. Ils ont dit, wow, le Zen, c'est extraordinaire, tu sais. Il fait 30 ans pour arriver à tirer dans l'univers. Ils ont laissé faire, j'ai tiré d'une cible. Sérieux, c'est arrivé une cible. Comprends-donc. Tu sais que la majorité de ceux qui ont gagné des médailles d'or aux Olympiques, les ont vendus pour payer le loyer à un moment donné. Sérieux, hein? Et l'humain, il travaille plus l'humain. Ils ont des périodes d'un abolisant. Puis quand ils vont en mourir, c'est pas grave. Oh, Dieu. Être ici maintenant, c'est ça. C'est être ici maintenant. Pas être aboli par les stéroïdes abolisants. La semaine prochaine, le sujet, c'est quoi? Ils mettent un bureau. En tout cas, ça va être intéressant. Ça va être drôle. Drôlement intéressant. Là-dessus, bonne semaine. Prenez-vous pas au sérieux, amusez-vous un petit peu. Puis s'il pleut, ben buvez.